nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Si Alain Cuny a été de son siècle l'un des plus considérables comédiens, il aurait pu suivre une toute autre voie, comme nous allons l'entendre dans le troisième des 5 entretiens qu'il accordait en 1975 à Fernand Schulman. Encouragé par René Laforgue, l'un des pionniers de son introduction en France, Alain Cuny aurait pu notamment exercer la psychanalyse. Il évoquait d'ailleurs dans cette émission son amitié de toute une vie avec Françoise Dolto. Mais, pour le plus grand bénéfice du théâtre et du cinéma, ce fut bien comédien qu'il devint. Par hasard, si l'on peut dire, puisque le hasard avait le visage d'une jeune fille dans les pas de laquelle, comme va magnifiquement le raconter Alain Cuny, il débarqua un jour dans le cours de Dulin, dont le premier coup d'œil mesura sans hésiter la valeur de la pépite tombée du ciel sur son plateau. Entretien avec Alain Cuny, troisième partie, une émission diffusée la première fois le 7 janvier 1976 sur France Culture. Pour le bonheur teinté de mélancolie d'entendre, par la voix d'Alain Cuny, tout ce qu'est pour la langue française un vers en alexandrin. La cloche bouddhique qui répète inlassablement « Ré dièse, ré dièse, ré dièse, non, non, non » à toutes les amours et à toutes les vanités de ce monde. Alain Cuny s'entretient avec Fernand Schulman. Troisième propos. Alain Cuny, nous en étions restés hier à l'abbaye de Solesmes, à ta rencontre avec Pierre Reverdy et finalement à ta difficulté de vivre que tu as évoquée à la fin de l'émission. C'est aussi vers ce moment que tu vas voir le docteur Laforgue après avoir lu, je crois, l'échec de Baudelaire qui t'avait beaucoup impressionné. Oui, je suis allé voir Laforgue, mais Laforgue traitait à cette époque-là des gens très riches. Les séances coûtaient très cher. Laforgue était un psychanalyste en vogue. Laforgue, il est oublié. Il est oublié des plus jeunes, j'entends. Non. Il est oublié des gens qui sont extérieurs à ces milieux-là. Mais pour beaucoup, avec toutes les limites que telles les siennes, il est tout de même considéré comme un pionnier. Je crois que Laforgue, avec Blanche Reverchon-Jouve, avec Alain Di, que j'ai connu aussi, et la princesse Bonaparte, Marie de Grèce, qui a été la collaboratrice, l'amie, et qui a beaucoup soutenu Freud au moment du nazisme, surtout lorsque Freud a dû aller se protéger, à Londres, c'est ça, oui. Alors Laforgue était un des premiers. Je n'ai pas pu suivre de traitement parce que je n'avais pas d'argent. Par la suite, mais nettement plus tard, une amie de ma mère, une autre amie, qui n'était pas celle qui avait porté les portraits de Raquel Meller au Music Hall, mais une autre amie riche, celle-là, à laquelle ma mère, je crois, faisait des lectures. Toujours est-il que cette amie était une Américaine. Et cette Américaine, sans que je le sache, a fait parvenir un petit peu d'argent à Laforgue, et j'ai pu voir Laforgue de temps en temps. Et c'est pendant cette période de vacances où il continuait à faire des traitements avec quelques patients triés sur le volet qui vivaient autour de la propriété où il passait, lui, ses vacances. Et c'est là que j'ai rencontré, elle était à l'hôtel, moi je couchais dans des cabanons, dans ce qu'on appelle les cabanons, c'était en Provence, il n'y avait pas de porte aux cabanons, mais comme c'était l'été, ça n'était pas du tout pénible. Et là, alors j'ai rencontré Françoise Dolto, qui est alors restée mon amie, et qui a été ma confidente, qui vient d'écrire un texte si capital à mon sens. Si je parle d'elle et de ses textes relatant les épisodes de la vie de Jésus, de certains passages de la Bible, et entre autres celui de la fille de Jaïr et de la femme hémorroïs, c'est que l'Église ne sait pas, aujourd'hui, malgré les avertissements cinglants d'une assez vaste désaffection, d'une réduction des vocations, etc., l'Église ne sait pas qu'une vision, qu'une interprétation comme celle de Françoise redonne à ces épisodes de la vie de Jésus leurs pouvoirs qui sont reconnus comme miraculeux, dont le climat de miracle, et qui est celui où se placent les religieux, fait que ça devient une parole qui est enthousiasmante pour ceux qui y croient, mais qui n'est plus active. Alors que Françoise et les psychanalystes, mais j'ai tort de dire cela, je suis sûr qu'ils me désapprouveront. Il ne faut appeler personne. Il faut que chacun vienne à ce dont il a besoin et à ce qu'il sente en lui. Il ne faut pas vanter une méthode, il ne faut pas vanter même une religion. Par la suite, La Forgue, qui était désireux d'inculquer son savoir, qui était désireux de former des médecins plus jeunes que lui à la discipline psychanalytique, m'avait poussé, et sans doute d'autres que je n'ai pas connus, mais m'avait poussé à, c'est ça, à devenir psychanalyste. Mais pour être psychanalyste, il fallait surtout à cette époque-là, il fallait premièrement être psychiatre, c'est-à-dire commencer par l'internat des asiles. Et une fois qu'on était psychiatre, authentifié par la faculté de médecine, etc., les examens, les années de stage, etc., bon, on pouvait, ou même conjointement, suivre un traitement analytique et être formé à la fois par les techniques classiques psychiatriques et puis les méthodes analytiques. Et il avait obtenu, sans que je passe par la faculté de médecine, puisque j'étais déjà, d'ailleurs à cette époque-là, j'avais dépassé un petit peu l'âge auquel les autres garçons font leur PCB, c'était le PCB à cette époque-là. Mais tu n'avais pas terminé tes études secondaires. Et je n'avais pas le baccalauréat, je n'avais pas été jusqu'au baccalauréat. Il fallait donc que je passe le baccalauréat et que je fasse ensuite la première année de PCB. Alors, il avait obtenu que je saute ces épreuves-là sans les réaliser, et que pour me donner le goût de la clinique psychiatrique, il avait obtenu que je vive en salle de garde et que je suive la visite des malades, que je travaille l'après-midi. Et j'ai vécu pendant quelques mois comme cela. Et c'est au cours de ces quelques mois d'internat d'asile que j'ai fait des portraits de malades. Alors, après avoir passé la visite le matin, j'allais l'après-midi dans les services et je faisais des portraits. J'ai toute une série de portraits de malades. C'était des femmes que j'ai encore conservées. Tu avais un statut de quasi-médecin à l'époque. C'est tout de même très extravagant, si on y réfléchit. Oh, non, pas quasi-médecin du tout. Interne des hôpitaux, c'est un couronnement après des années d'hôpital, de concours très difficiles, alors que en première année de psychiatrie, on est interne des asiles. On était interne des asiles. Vous étiez nombreux ? Oh, dans ce service-là, on était non très peu, on était 4 ou 5. Tu étais perçu comme quelqu'un d'en dehors, d'exceptionnel. Eh bien, tu habitais sur place. Mais hein. Oui, je mangeais en salle de garde avec tout le monde et je menais tout à fait cette vie-là sans en avoir tout à fait le droit. J'ai été attiré, je peux dire, par l'étude des déséquilibres, des troubles mentaux, la détresse, ce que supportaient toutes ces femmes internées. J'étais très intrigué, car je l'avais été, premièrement, à mon propre sujet. J'étais très intrigué par les conditions de tous ordres qui avaient fait qu'elles étaient là et dans cet état. Malgré cela, ça n'a pas été primordial. Je ne me suis pas passionné pour cela. Et c'est au cours d'un voyage, ce n'était pas à Paris, c'était à Neuilly-sur-Marne. Je venais presque chaque semaine à Paris, le samedi, passer le samedi et le dimanche, ou simplement le dimanche. Et un jour, je me trouvais à Montparnasse, j'ai aperçu, j'ai vu, j'ai croisé, je me suis trouvé à côté d'une très jeune fille qui était accompagnée d'une femme plus âgée qu'elle, qui était facilement reconnaissable, qui était sa mère. Elle prenait un taxi. Et j'ai été si fixé immédiatement, si désireux de ne pas risquer de perdre ce visage, de ne plus revoir ce visage, que, alors que ça ne m'arrivait presque jamais, je leur ai parlé. Je ne sais pas ce que je leur ai dit, j'ai dû leur dire tout simplement la vérité, que je ne voulais pas ne pas la revoir. Et je lui ai demandé qui elle était. Et elle n'était pas française, elle était norvégienne. Elles étaient toutes les deux à Paris pour que Tuta, elle s'appelait Tuta, poursuive des études commencées en Norvège, des études d'art dramatique. Et elle était inscrite au cours de Dulin. C'était certainement le meilleur cours d'art dramatique de l'époque. Je l'ai donc revue. J'ai été très transformé par des moments absolument inconnus, absolument inattendus. Enfin, la révélation, n'est-ce pas, de la joie de voir quelqu'un que l'on attend, que l'on désire. Et un jour, je l'ai accompagné chez Dulin. J'étais libre, elle avait un cours, je suis allé avec elle. Et je l'ai suivie, sans doute ne pouvant pas me déterminer à la quitter jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'à l'heure même où le cours allait commencer, je suis resté près d'elle. Et alors que j'allais la quitter, c'était au théâtre de l'Atelier, Dulin est entré. Et Dulin entrant, tout à coup, un silence, n'est-ce pas, s'est établi, personne n'a plus bougé, et moi-même, j'ai pas osé me lever et m'en aller. Si bien que Dulin a cru que j'étais un nouveau. Il m'a demandé si j'avais déjà travaillé, si j'avais fait. Je lui ai dit non. Alors, il m'a conseillé de travailler un passage d'une pièce élisabéthaine de Ford, qui est dommage qu'elle soit une putain. Et comme j'étais libre le samedi soir et le dimanche, d'ailleurs, Tuta est venue me voir à cet asile. Elle a mangé en salle de garde plusieurs fois. Elle est venue me rendre visite. Donc, nous pouvions travailler là, mais je pouvais aussi travailler le dimanche à cette scène. Je n'avais aucune idée de ce que c'était que de faire du théâtre. Je ne savais pas ce que ça signifiait. Tu n'y avais jamais songé? Jamais. Absolument jamais. Et des camarades de tout temps m'ont donné des conseils, ont fait un petit rudiment de mise en scène. Une élève m'a donné la réplique, comme on dit, a été ma partenaire. Et quelques semaines après, j'ai passé cette scène devant Dulin. Et je l'ai passé persuadé que ce serait ridicule, que c'était une scène imprésentable. Et je l'ai fait, je crois me souvenir un petit peu de l'état dans lequel j'étais. Je l'ai fait, je crois pouvoir dire, par modestie. Parce que j'avais travaillé avec ses camarades de tout tas, parce qu'il y avait cette petite qui m'avait donné la réplique. Je m'étais donc engagé à faire ça. Je n'avais aucun espoir, aucune ambition. Je ne pensais pas du tout à ce que ça pourrait provoquer. Mais, de même que je crachais ma salive, avant de communier, j'ai mis toute l'intensité dont j'étais capable dans cette scène. Et sans doute que Dulin avait bien choisi par rapport à moi et à l'état dans lequel j'étais, à ma stature, à mon apparence, il avait choisi une scène d'une extrême violence. C'était la scène au cours de laquelle le nouveau mari de sa nouvelle femme, le soir du mariage, s'entend dire par cette jeune femme, qui est la sienne depuis quelques heures, qu'elle est enceinte et que jamais elle ne lui dira, elle ne lui révélera le nom du père de l'enfant, lequel père, comme tu le sais, est le propre frère de la petite. C'est une scène de fureur. Et alors, j'ai candidement joué ça avec une force, renverser les chaises, les tables, enfin, j'ai traîné la fille par... Elle est sortie vivante. Oui, elle est sortie vivante. Et je me croyais très, très, très, très, très loin, très au-dessous de ce que réclamait une telle scène, et ne sachant pas d'ailleurs si c'était comme ça qu'il fallait faire. Aussitôt après, Dulin m'a un petit peu questionné, il m'a demandé ce que j'avais fait jusque-là, je lui ai dit où j'étais, je lui ai dit que j'avais été aux Beaux-Arts. Et il m'a alors dit, si tu veux, tu peux tout espérer. Il était prodigue de compliments ? Oh, non. Parce que c'est énorme comme réflexion faite à oui. Tout jeune garçon qui donne sa première scène, non ? Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Maintenant, je me rends compte, je croyais... Tous les autres, à ce cours, et non seulement à ce cours, mais dans Paris, dans les autres cours dramatiques et de partout où on pouvait faire du théâtre, je croyais tous les autres infiniment supérieurs à ce que je pouvais faire. Et ce n'était que peu de choses pour moi, ce que j'avais fait. De même, d'ailleurs, que la plus haute réussite, pour revenir à cette histoire de vocation farcesque, la plus haute réussite ne compte pas. Elle s'inscrit, parce que maintenant j'ai compris que il faut faire quelque chose, il faut, à moins d'avoir la liberté d'un peintre, d'un poète, mais il faut s'inscrire dans l'ordre que réclame la société. Il faut faire quelque chose. Mais, si tu veux, même les réussites que j'ai connues par la suite, ça avait une valeur. C'était peut-être quelquefois d'une certaine beauté, mais très au-dessous, n'est-ce pas, très au-dessous de ce que dit si bien, n'est-ce pas, cet auteur qui parle, il dit « Il n'est rien si beau et légitime que de faire bien l'homme et dûment. Et la plupart de nos vocations sont farcesques. » Je peux vraiment dire que les vocations et même les résultats obtenus relativement pour moi sont farcesques. Ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est m'évader. Et alors, en l'occurrence, là, si tu veux, dans ce cloisonnement d'élèves de cours d'art dramatique, même si j'avais été, je ne sais pas, Talma, Mounassouli, etc., en herbe, ça n'aurait été encore rien. Mais je me rends compte aujourd'hui que c'était plus que ce que les autres étaient capables de faire, de sorte que, brusquement, d'un seul coup, j'ai émergé parmi eux. Pour moi, ce n'était pas du tout émergé. Ce n'est pas vaniteux, ce que je dis. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout vaniteux. D'ailleurs, je n'ai tiré aucun profit glorieux, n'est-ce pas, de ce que j'ai fait par la suite. Mais donc, sur cette énorme sauvagerie dont j'ai fait preuve... Et que les meilleurs critiques t'ont toujours reconnu. Par la suite. La plupart d'entre eux ont fait allusion à une sorte de sauvagerie originelle. Oui. Sauvagerie étant évidemment pris dans son sens le plus laudatif. Oui, enfin, oui. Et comme alors, de façon inhabituelle en tout cas, cette sauvagerie s'échappait d'un être qui était pondéré, comme je l'étais, qui était consciencieux, qui était recueilli. Consciencieux peut-être, pondéré, dirais-tu, pondéré ? Oui, je vivais dans une grande économie, dans la mesure même où je me croyais pauvre. Une grande économie de mon énergie, de toutes mes facultés. Et de plus, j'étais sain. J'étais sain, j'étais solide. Alors, ça créait un contraste, cette violence, dont les échos étaient désespérés, dont les échos étaient douloureux. Ce n'était pas qu'une violence meurtrière, c'était une violence meurtrie. Ça créait un ensemble qui fait que Dulin m'a dit cela. Et sur la seule réputation de cette scène-là, je crois que c'était Bourdet, qui était à la Comédie Française comme administrateur, m'a fait venir pour me proposer de jouer Hippolyte dans Phèdre, dont Marie-Belle était Phèdre. Cela se situe en 39. Alors en ça, 38. Ça se situe en 38. Et sans très bien savoir ce que je faisais, j'ai travaillé avec Madame Emilienne Dux, à laquelle on m'avait envoyé, sûrement par le truchement de la Comédie Française. Et j'ai travaillé pendant quelque temps avec elle. Elle était la mère de Pierre Dux. Je lui dois tout ce que je suis capable de faire d'un texte de tragédie classique. La guerre est arrivée quelque temps après. Et ça a donc complètement supprimé tous les projets. Et tu n'as pas été Hippolyte. Et je n'ai pas été Hippolyte, non. Et quand as-tu été Hippolyte? Je n'ai jamais aimé, je n'ai jamais été Hippolyte. C'est curieux que j'ai dit aimé, parce que ce n'est pas vrai que je n'aime pas Hippolyte. Ce lapsus ne correspond pas à une vérité que je me cache. J'aime au contraire passionnément l'Alexandrin. Je crois, oui, je peux dire qu'un article de Barthes m'a donné raison. Il me semble si facile pour des Français de suivre le souffle de Racine, de Corneille, de tous les grands écrivains classiques français. Rien n'est plus simple, rien n'est plus fécond aussi que de s'approprier les syllabes de l'écriture, des vers. Ils nous conviennent, sûrement comme Shakespeare convient aux Anglais, le Shakespeare même d'Oxford, et sûrement Hölderlin et Goethe et Nietzsche aux Allemands, c'est superbe. Mais pour nous, ici, cette parole est, tout le monde l'a dit, n'est-ce pas, tellement chargée, tellement porteuse de beaucoup plus que le sens raisonnable de ce que révèle, ce qu'expriment les vers. Alors, naturellement, le langage courant ne nous prédispose pas à les bien dire. Mais pour les acteurs, c'est leur affaire de franchir la distance qui les en sépare pour les découvrir. Et une fois que c'est découvert, c'est un secret de Polichinelle, une fois que c'est découvert, on devient irrésistible. C'est imparable. Un beau vers dit dans l'intimité aussi proche que possible, aussi grande que possible, dans l'intuition, dans le discernement de l'esprit, de l'auteur, quand on arrive à cette perception, on peut suivre, presque suivre, l'exercice déchirant nécessaire à la réalisation, à la naissance d'un beau vers. Et c'est tellement poignant que il suffit de l'avoir compris pour devenir poignant à notre tour. C'était le troisième des 5 entretiens avec Alain Cuny au micro de Fernand Schulman, diffusé la première fois le 7 janvier 1976 sur France Culture. À suivre. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.